Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Bonjour tout le monde, je vous souhaite un excellent vendredi 8 janvier 2016. Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Dans un instant, on retrouve notre tête chercheuse de la semaine, Sylvia Pérez Vitoria. Depuis lundi, on parle d'un retour à la Terre comme un défi du 21e siècle. Et en deuxième partie, comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée. Et cette fois-ci, en compagnie de Florent Chavouet, on va retrouver le musée du Louvre, dans la collection que dirige le musée du Louvre avec Futuropolis. Y sort un titre que je vous recommande vivement, L'île Louvre. Retour à la Terre, un défi du 21e siècle. Une série avec Sylvia Pérez Vitoria, économiste, sociologue. Dernier ouvrage paru, Manifeste pour un 21e siècle paysan. Bonjour Sylvia Pérez Vitoria. Bonjour. Depuis lundi, vous avez raconté un peu l'histoire de la paysannerie, de comment elle a disparu, de comment les exploitants agricoles n'arriveront jamais à faire ce que la paysannerie a fait pendant des millénaires. Et vous signez donc ce manifeste pour un 21e siècle paysan chez Actes Sud. Alors, quelles sont les premières manifestations concrètes de cette prise de conscience? Parce qu'apparemment, vous dites que c'est le moment ou jamais d'en parler. Oui, c'est le moment ou jamais d'en parler parce que, en fait, le système dans lequel nous sommes, je pense, a atteint ses limites. Bon, hier, je parlais de la question des minerais, par exemple. Il n'y a pas d'industrie sans minerais. C'est impossible. Bon. Donc actuellement, il va y avoir des choix de société. Moi, je dis entre pain ou smartphone, c'est-à-dire que si les minerais, la politique absolument effrénée, cette espèce de recherche absolument effrénée pour trouver des nouvelles ressources naturelles, en fait, des minerais, de l'or, du cuivre, des terres rares, etc. Ça se fait sur des terres agricoles et des terres forestières. Bon, à un moment donné, on va pouvoir se dire, mais jusqu'à quand on va en détruire des terres agricoles? On en a besoin de nos terres agricoles. Donc ça, c'est déjà une limite à notre système, à mon avis, qui va se poser très très rapidement. Mmh. Mais avec ce genre de questions de chantage, choisissez entre un bon pain et un smartphone. Est-ce que ce message peut passer? Est-ce qu'on peut pas avoir les deux? Non, on peut pas avoir les deux. On peut pas avoir les deux parce que la terre, elle est limitée. On sait déjà que. Si on veut nourrir la population, il va falloir mettre des terres agricoles en culture, ou en tout cas les cultiver autrement, parce qu'à terme, on pourra pas... Prenons un exemple, vous avez, je crois que c'est 40% des céréales qui servent à alimenter le bétail, par exemple, alors que 8 céréales calories pour une calorie animale, c'est un gâchis absolument indispensable. Donc, il va falloir reconsidérer notre système d'alimentation, il va falloir reconsidérer la manière dont on maintient les milieux naturels, si on veut survivre et détruire. Parce que le problème de l'extractivisme, c'est que ça détruit des terres agricoles et ça les pollue durablement. C'est-à-dire, ce sont des terres qu'on ne pourra plus du tout utiliser. Détruire les forêts, c'est quelque chose... Si vous voulez, ce qui est important dans la nature, c'est qu'il y a des phénomènes d'irréversibilité dans lesquels on est engagé. Et c'est une question de survie. Et les paysans sont, disons, les travailleurs de la terre. Ceux qui, finalement, ont su et savent comment maintenir à long terme cette richesse que nous avons et dont on a besoin. Donc, moi, je suppose que vous diriez la même chose pour les travailleurs de la mer. Exactement, c'est exactement le même problème. Et d'ailleurs, c'est très proche, l'industrialisation de la pêche est très proche de l'industrialisation de l'agriculture. Mais alors, Sylvia Pérez-Vitoria, ce changement auquel vous appelez, c'est un changement qui viendrait d'en haut, parce que vous avez été très critique vis-à-vis des États cette semaine, où vous pensez que ça viendra d'une prise en charge des citoyens, c'est-à-dire d'en bas, et de notre capacité à changer notre mode de consommation. Oui, notre mode de consommation et notre mode de production. C'est parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il suffit pas de. Enfin, je pense pas qu'il y ait un lien direct entre. Contrairement à beaucoup de gens, je pense pas qu'il existe un lien direct entre la consommation et la production. C'est-à-dire, si on se dit ah ben si on consomme moins de ceci, ça va faire disparaître. Parce que justement, les marchés internationaux ou les marchés économiques sont beaucoup plus complexes que ça. Il n'y a pas de lien direct. Mais par contre, prenons des exemples. Actuellement, vous avez dans certaines régions du sud de la France des gens qui essayent de faire une veille sur les terres agricoles. Ça me paraît très important. Ça me paraît presque plus important que de décider de manger moins de ceci ou moins de cela. Parce que maintenir les terres agricoles, c'est un enjeu fondamental. Et donc, que les gens se mobilisent pour ça, c'est très important. Vous avez des gens qui sont effectivement de plus en plus inquiets sur la qualité de l'alimentation qu'on leur donne. Et donc, ça, c'est une prise de conscience importante. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il y a... Bon, je pense qu'actuellement, les mouvements paysans dont je parle ont un très, très haut niveau de prise de conscience de leur avenir et des conditions dans lesquelles ils peuvent se maintenir. Et il faut que cette prise de conscience-là s'élargisse à plus de gens, et en particulier aux gens des villes, aux urbains, ou même aux ruraux qui habitent autour d'eux et qui souvent ne se rendent pas compte de la richesse. Et bien sûr, toute la question est, si vous voulez, toutes les forces contre lesquelles il faut se battre, parce que vous avez... L'industrie agroalimentaire est une énorme machine et qui produit, qui a des, disons, des entrées un petit peu partout. Les lobbies de l'agroalimentaire sont à l'Europe parmi les principaux lobbies. Entre les industries agroalimentaires et la chimie, c'est parmi les principaux lobbies qui sont en Europe. Donc, ils ont un pouvoir considérable. Et face à ça, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Mais malgré tout, il y a quand même une, à mon avis, une prise de conscience qui s'élargit au fait qu'il faut reconsidérer les choix de société que nous avons faits. En fait, c'est ça la question. C'est quel type de société nous voulons et comment nous voulons vivre et comment nous voulons que nos enfants vivent. En gros, c'est ça l'enjeu. Et cette mise à plat, elle me paraît absolument indispensable. Et ça permet de réfléchir en termes d'autres types d'emplois, ça permet une autre occupation du territoire, d'autres types de paysages, d'autres types de rapports ville-campagne, une qualité dans notre alimentation. Donc, vous savez, il y a plein de problèmes qui pourraient se régler. Les changements climatiques, l'agriculture industrielle produit 25% des gaz à effet de serre quand même. Donc, c'est pas négligeable du tout. Alors, quels sont les exemples ici dans le monde qui illustrent que rien n'est perdu ? Il y en a beaucoup. D'abord, il y a, si vous voulez, des luttes qui ont été gagnées. Par exemple, je vais en prendre un peu dans le monde. En Inde, par exemple, vous avez eu des marches très importantes qui ont permis à des gens d'avoir accès à la terre, alors qu'on leur avait nié la terre et que l'Inde était partie sur un modèle aussi industriel. Et bon, voilà. Ça a été également le cas au Brésil, grâce à des luttes et grâce à la participation aussi des gens des villes dans les marches. Après, vous avez... alors, l'exemple du Brésil est très intéressant parce que sur le long terme, ils ont réussi à reconstruire des territoires, à ce que j'appelle une dissidence territoriale. C'est-à-dire qu'ils ont réussi sur des territoires à maintenir des modes de vie qui permettent à des milliers de gens de vivre quand même. Donc ça, c'est important. Ils ont fait la preuve que sur 20 ans, 30 ans même, des gens peuvent vivre autour de l'agriculture avec des écoles, avec une médecine, avec un habitat, avec... Voilà. Donc ça, c'est quand même un exemple important. Alors chez nous, dans nos pays, c'est beaucoup plus parcellisé, c'est beaucoup plus des petites expériences. Mais on sent vraiment, en tout cas au niveau de la base, on sent une volonté de se mettre en réseau, d'essayer à partir de certaines expériences, d'essayer de construire un territoire différemment. Donc ça me paraît très important. Est-ce que vous rencontrez ce que vous appelez, vous, les grands lobbyistes de l'agroalimentaire, les hommes politiques, vous, les élus locaux et régionaux? Est-ce que ça fait partie aussi de votre emploi du temps de militante, Sylvia Pérez-Vitoria? Non, parce que je n'y crois pas, en fait. Alors, ce que je rencontre quand même, si, c'est des élus locaux. Les élus locaux, ça m'arrive d'en rencontrer dans le cadre d'échanges que je peux avoir, etc. Mais moi, je ne crois pas actuellement qu'on puisse convaincre. Enfin, je peux prendre l'exemple de ce qui est devenu, enfin, de tout le projet d'agroécologie qu'a lancé le ministère de l'Agriculture en France, qui est, de mon point de vue, tout à fait dérisoire par rapport aux enjeux fondamentaux qu'on pourrait avoir de remettre à plat l'agriculture française. Donc, je ne crois pas du tout. Mais c'est peut-être un premier pas. Je ne crois pas, parce que c'est aussi, un dévoiement de notions très très importantes. On n'aura pas le temps, on ne peut pas parler ici vraiment de ce que c'est que l'agroécologie, mais c'est un dévoiement et c'est une manière de repeindre en vert, de donner l'apparence qu'on fait des choses, mais on repart avec les mêmes. Et les objectifs, c'est toujours la compétitivité, gagner des parts de marché, etc. etc. Même si on se préoccupe un petit peu d'environnement, parce que quand même, ça devient des enjeux très importants. Donc moi, actuellement, je pense qu'il faut travailler à la base. Il faut vraiment travailler pour convaincre les gens, pour essayer de faire prendre conscience aux gens que de la richesse qui existe encore autour d'eux. Et je pense plutôt à ça que plutôt que de travailler au sommet. Une autre paysannerie est donc possible. Absolument. Elle est en marche. Elle est en marche. Absolument. Bah, donc vous êtes un peu optimiste. Ah mais oui, je suis optimiste, absolument. Et ça passera par quoi, d'après vous, Sylvia Pérez-Vitoria? Ce sera ma dernière question. Par une révolution des mentalités ou une révolution... comment voudrait les éviter? Non, une révolution des mentalités et une révolution du faire aussi. Du faire, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe toute une série, moi c'est ce que je vois tout le temps, parce que je me balade beaucoup en France, toute une série d'initiatives un peu partout en France, de tout genre. Hein. J'ai parlé l'autre jour des paysans boulangers, mais vous avez des expérimentations de nouvelles formes d'agriculture qui se font dans certaines fermes, il y a des échanges, et les paysans ou d'autres gens, vous avez beaucoup de jeunes qui veulent apprendre à faire des semences. Vous avez plein de choses qui sont souvent souterraines, dont on n'est pas conscience, mais qui travaillent durablement nos sociétés. Une paysannerie 2.0, ça existe ? Elle existe, oui. Moi, c'est pas ce qui m'emballe le plus. Je suis plutôt pour une paysannerie, disons, d'échange direct, personnel entre les gens, et ça, elle existe aussi. Et comment on peut utiliser les nouvelles technologies pour améliorer ou imaginer plutôt un retour à la terre harmonieux qui soit tout à la fois le défi d'aujourd'hui et la clé du bonheur pour demain? Eh ben, elle est utilisée souvent justement pour faire des échanges de savoir-faire. En fait, par exemple, mails, quoi. Voilà, non, pas uniquement ça. Parce qu'avec des photos, des images, des petits films, ouais, on montre ce qu'on fait et on montre aux autres ce qu'on fait. Et ça permet d'échanger des savoirs et des savoir-faire entre paysans. Merci beaucoup, Sylvia Pérez-Vitoria, d'avoir été notre tête chercheuse de cette semaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Toute votre bibliographie est bien sûr disponible à la page de l'émission Un autre jour est possible sur franceculture.fr. Vous pouvez désormais réécouter ou écouter ou faire partager la série Retour à la Terre, un défi du 21e siècle. À bientôt, j'espère. À bientôt. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité du jour, comme tous les vendredis, c'est bien sûr l'actualité de la bande dessinée. Donc, mon invité du jour est Florent Chavouet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là pour parler de L'île Louvre, qui sort dans la collection coéditée par le Musée du Louvre et Futuropolis. Ça fait une bonne dizaine d'années que ça existe. Les plus grands noms de la bande dessinée se sont prêtés à ce jeu, c'est-à-dire aller au Louvre, avoir l'accès à toutes les salles, mais aussi aux les sous-sols. Bref, être des VIP pour pouvoir rendre compte du Louvre et de la vie qu'on peut avoir dans ce grand musée du monde. Mais comme cette semaine, on a parlé de ce retour à la Terre comme un défi du 21e siècle, et comme je sais que vous avez des racines campagnardes, je sais pas si vous avez eu des paysans dans votre famille, si vous avez connu ça. La génération de mon grand-père et de mon arrière-grand-père, oui, était paysan. Enfin, mon grand-père, il a changé après. Ouais. Mais je pense, comme beaucoup de Français, on vient tous d'extraction rurale, et après, avec la modernité, on a bifurqué. Mais oui, il y a la maison de mon grand-père qu'on a vendue. C'était une grange. Enfin, c'était une ferme, quoi. Enfin, de mon arrière-grand-père plutôt. Ouais. Voilà. Ça vous a tenté de se retrouver à la terre? Par contre, j'ai jamais été dans le métier à proprement dit. Moi, j'ai vu ça de loin. J'ai vu une fois tuer le cochon, par exemple. C'est un spectacle un peu particulier. Mais j'étais tout petit en plus, donc j'ai vraiment que des images lointaines. J'associe ça à l'enfance, évidemment. Et maintenant, la réalité, c'est que Vous êtes très loin de la France rurale. Comment? Que vous êtes très loin maintenant de la France rurale. Oui, oui, c'est vrai. Oui, vous habitez Strasbourg. Quand on est dessinateur de BD, déjà, c'est une profession assez loin de ça. Mais ouais. Ça peut se concilier, nous. Oui, oui. Bah moi, j'aimerais bien. C'est pas le cas actuellement, mais j'aimerais bien me réinstaller en zone paisible et rurale, assez loin de tout, mais juste pour un confort de vie, quoi. L'île Louvre. Alors, vous en tirez très bien, parce que je n'ai jamais autant ri en lisant un des livres de cette collection sur le Louvre. Pourtant, on se dit que apparemment tout a été fait et par les plus grands de la bande dessinée. Ça pas dû être facile pour vous de venir après tout le monde pour faire une variation autour de ces déambulations dans le Louvre. Oui, bah c'était le double problème, le double défi, je dirais, c'est que succéder à tous les grands noms qui ont déjà participé à la collection, et puis après le sujet en lui-même, le Louvre, qui est tellement vaste, tellement énorme, tellement ample, qui peut être assez tétanisant. Enfin, moi d'emblée j'étais très honoré quand on m'a proposé ça, mais pourtant. Pourquoi? Bah justement, à cause des grands noms avant, je me suis dit, non pas que j'en sois un, mais bon, on a jugé que je faisais pas tâche dans le décor. Et c'est une forme de consécration, c'est ça? Je prends comme ça. Ah oui, je prends comme ça. Donc ça, ça m'a beaucoup plu, beaucoup motivé, on va dire. Mais après, quand la réalité m'a rattrapé et que je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire de ce sujet? Qu'est-ce que tu vas faire au Louvre? Comment tu vas aborder les lieux? Là, il y a eu une espèce de vertige quand même. Il y a eu quelques jours de doute. Voilà. Bon, et finalement, vous avez trouvé la très bonne idée, parce que c'est un beau livre sur la géographie du Louvre et surtout sur les visiteurs du Louvre. On les a déjà vus mis en scène, mais là, ce que vous nous donnez à voir et surtout à entendre, ce sont leurs commentaires, c'est-à-dire comment ils réagissent aux œuvres d'art. Du coup, j'ai abordé le Louvre par la petite porte, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire j'ai pas profité justement pleinement des avantages que le projet aurait pu me donner en termes de visites particulières, de découverte de l'envers du décor, par exemple. Je l'ai fait un peu, évidemment, mais non, je me suis, en fait, j'ai fait des visites normales comme le Pékin moyen, quoi. Parce que je me reconnais aussi dans ces visiteurs, c'est que je suis pas du tout un spécialiste de l'art, même très novice, très amateur. Du coup, c'était assez simple pour moi de mettre mes pieds dans ceux des milliers de personnes qui viennent visiter le Louvre chaque jour, chaque année. Et voilà, ça m'a plu de prendre cette direction plus modeste, on va dire. Et puis, en même temps, ça, par rapport à mes travaux précédents, ça inscrit aussi le livre dans cette direction-là, de raconter une espèce de réalité, d'actualité du lieu aujourd'hui. Qu'est-ce que le Louvre, que représente un musée à l'époque du tourisme de masse. Voilà. Voilà, c'est bien dit, parce que le tourisme de masse est très présent dans votre livre, il est très actuel, mais il y a aussi une réflexion sur comment une œuvre d'art peut-elle être perçue différemment par les gens. Oui, j'ai fait quelques planches comme ça. Où... C'est-à-dire que ma méthode de travail, elle était assez simple, c'était de suivre les gens. Je regardais un peu comme ça, en diagonale, quelle personne était susceptible de me donner des bons mots, des bonnes remarques sur telle ou telle œuvre. Mais parfois, j'ai fait l'inverse. Je suis resté sur... plutôt que de suivre les gens, je suis resté fixé à une œuvre que je pensais pouvoir donner... Enfin, qui pouvait donner... Qui avait un potentiel, on va dire, de suggestions auprès du public. Il y a une planche comme ça avec une peinture de Bessabé, je crois, c'est ça. Uh-huh. Avec une poitrine très franchement exaltée, enfin apparente, et très évidente. Et tout de suite, je me suis dit, bon, là, il va y avoir des commentaires, forcément, quel que soit d'ailleurs, c'est ce que je montre dans la planche, quelles que soient les générations, les sexes. Et tous ces commentaires sont vrais ou ah oui, vous êtes amusé aussi à faire un peu dans la fiction? Parce que des fois, ça ressemble à des brèves de comptoir. Non, j'ai parfois déplacé quelques remarques que j'ai picorées à droite à gauche, notamment dans la première double planche, enfin une des premières planches du bouquin qui commence par sous la pyramide, là où on voit toute la population, toute la foule en bas. Là, j'ai inséré des remarques que j'avais entendues ailleurs, autour du Louvre ou dans d'autres salles du Louvre, et je les ai mises là pour donner un effet de saturation qu'on peut. Quelques remarques de jeunes et de lycéens au Louvre. Soit ils peignent la guerre, soit ils peignent la nudité, et lorsqu'il lui répond et Jésus aussi. Oui. Les statues grecques. Pourquoi les Grecs, ils sont tous à poil au Louvre? C'est parce qu'ils sont très pauvres. Et ça, c'est vraiment des choses que vous avez entendues. Oui, mais c'est pour ça que j'ai aussi varié mes visites. J'ai tenu à m'inscrire dans une visite guidée très classique avec donc un guide et une classe de CM2 qui venait de Lorraine. Et j'ai prévenu avant, je me suis inséré dans le groupe, et justement pour obtenir un peu ce genre de vision aussi des plus jeunes, des classes, voilà, des sorties scolaires, confrontées à ce monument de culture qu'est le musée, quoi, où tout s'empile, que ce soit les périodes égyptiennes, les périodes antiques, à la peinture française 17e, 18e. Les objets d'art, tout, voilà, tout ça visité en général en 2 heures, donc ça fait des étincelles dans le cerveau. Ça amène des réflexions après. Alors ces réflexions rendent ce livre vraiment très attachant, parce qu'on a toujours le sourire en le lisant, mais il y a quand même deux choses qu'il faut absolument faire ressortir de votre livre. D'abord, c'est comment vous avez décidé de dessiner, de rendre compte de la géographie du lieu. Alors ça, c'est un tropisme que j'ai depuis mes débuts dans la bande dessinée. C'est que je suis passionné de géographie, de cartes, de plans, de trucs comme ça. Me demandez pas pourquoi, c'est rien. C'est une passion. Et là, le projet du Louvre, je trouvais qu'il se prêtait bien aussi à ce genre d'exercice, dans le sens où on me demandait de partir en mission. En fait, je l'ai pris comme ça, comme quelqu'un qui part en mission pour rendre compte d'un lieu. Donc une géographie et parler de ce qu'est le lieu aujourd'hui. Donc ceux qui y travaillent, il y a quand même quelques planches sur les gardiens notamment. Et des portraits, très réussis. Ouais. Quelques planches aussi sur l'envers du décor quand même. Donc j'ai quand même profité un peu de mon badge spécial. Et puis évidemment surtout des gens qui y vont, des visiteurs. Et voilà. Donc je l'ai pris comme un lieu à part, d'où l'idée d'île aussi, pas de milieu clos, mais de milieu vraiment particulier. Quoi. Comme si c'était une principauté, un pays en soi. Donc mais quand vous avez décidé, par exemple, il y a des planches du Louvre avec des plongées sidérantes, c'est-à-dire que vous avez choisi vous-même autant de points de vue du Louvre, vous avez fait beaucoup d'essais, après vous avez choisi comment agencer ça à la fin, comment ça s'est passé? C'est ça qui est intéressant aussi dans ce musée, enfin il y a plein de choses intéressantes évidemment, c'est à la fois le contenu et le contenant, le bâtiment lui-même est génial, enfin il y a des escaliers fantastiques. Du coup, quand on est dessinateur, je pense pouvoir parler au nom de pas mal de dessinateurs. Il y a toujours derrière la tête le questionnement de savoir comment représenter telle ou telle architecture, comment on ferait si on devait le faire. Et vous avez eu l'idée géniale, Florent Chaouet, par exemple, pour nous donner une idée de à quoi ressemble une salle au Louvre, de faire disparaître les toiles, justement, de laisser juste les cadres. Ah oui. Et là, du coup, on est vraiment attiré aussi bien par le sol, les plafonds. Ah oui, mais tout est observé. C'est presque parfois trop. Hein, le Louvre, oui, il y a des... Les parquets sont magnifiques, il y a des dallages en marbre à motifs superbes dans la salle des cariatides. C'est autant à voir enfin il y a autant à voir par terre qu'en face de soi. Et comment vous travaillez des... Vous prenez des photos vous filmez ou vous êtes sur place? Photos, beaucoup de photos. C'est un peu mon regret, on va dire, c'est que j'aurais aimé dessiner sur place. Mais comment nous raconter aussi la bureaucratie de l'île du Louvre, c'est pas toujours évident de dessiner sur place. Oui, il y a des règles, voilà. Et des autorisations. Je pense que j'aurais pu avec mon votre statut de VIP. Mon statut privilégié, exactement, enfreindre certaines règles, c'est-à-dire avoir des techniques plus humides, parce que normalement on a droit qu'aux techniques sèches. Mmh. Mais ce qui a manqué, en fait, c'est le temps. Et puis, comme on le disait au début, j'habite pas Paris. Ce qui complique un peu les choses, donc je devais vraiment optimiser mes visites, comme je dis, malheureusement. Donc c'est-à-dire que je perdais pas de temps entre guillemets à dessiner sur place, mais à acquérir surtout de la matière première, c'est-à-dire des remarques, des commentaires, des gens. Donc je passais mes visites à suivre les gens, prendre en photo les œuvres devant lesquelles ils parlaient, prendre en photo aussi possible les gens, sinon les croquer très rapidement. J'avais toujours évidemment mon petit calepin pour noter les remarques et pour les croquer très rapidement. Et puis voilà, et puis après je mettais ça au propre chez moi. L'île Louvre, Florent Chaouet, c'est bien sûr une coédition, le Louvre Édition et Futuropolis. On va voir maintenant votre humeur du jour. À vous de choisir trois questions. Ah oui. C'est le questionnaire d'un autre jour, Florent Chaouet. Merci pour le dessin que vous nous laissez. Faire des bruits de papier devant le micro, non? Non, pas forcément, ni avec vos crayons. Merci pour le dessin qu'on peut retrouver à la page d'un autre jour est possible sur franceculture.fr. Première question. De toutes les fleurs du monde, laquelle est votre préférée? J'aime bien la violette, parce que elle est un peu brouillon, je trouve. Elle n'a pas une forme forcément très symétrique. Elle est petite et j'aime bien sa couleur, simplement. Deuxième question. Est-ce que vous dansez? Oui, mais très mal. Mais ça m'empêche pas de danser, oui. Sur n'importe quelle musique, n'importe quelle cadence. Si l'humeur s'y prête, oui, je suis pas le dernier pour danser. Et enfin, troisième question. Pour quel personnage de BD avez-vous le plus de sympathie? Aïe, aïe, aïe. Aïe, parce qu'ils sont nombreux ou parce que... Non, dès qu'on touche à mon métier, en fait, à la BD, je sais jamais quoi répondre. Que ce soit mes influences ou des choses comme ça. Là, je dirais comme ça, brûle-pourpoint, Gaston Lagaffe, j'aime bien. C'est facile de s'identifier, en tout cas pour moi, au personnage. J'aime bien de proposer comme héros un feignant, un tir au flanc. Mais ce que vous n'êtes pas, inventeur. Je suppose. Moyennement, je suis très irrégulier. Merci Florent Chaouet d'avoir répondu à ce questionnaire. Toute la semaine prochaine, nous parlerons de Charlie. Charlie, un esprit français. Et c'est Jean-Pierre Mercier qui, durant toute la semaine prochaine, nous racontera l'histoire de Charlie. Merci Florent Chaouet. Vous allez nous faire le générique de fin de l'émission. Alors, c'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, une émission de Toufik Hakem, pour ceux qui se lèvent tôt et qui écoutent la bonne radio. Les lèvres pas tôt peuvent écouter ce programme en s'abonnant à la balado-diffusion de l'émission disponible sur franceculture.fr. Voilà, vous changez le texte. Vous dites pas podcast, c'est ça? Ouais, je n'utilise pas d'anglais. Un autre jour est possible a été préparé avec Anaïs Isbert, Pascaline Bonnet et Thomas Duterre. Merci beaucoup. J'en ajoute pas de nom. Merci beaucoup, Florent Chaouet. Bonne matinée sur France Culture. On se retrouve lundi. Bon week-end aussi.